Donc, on va voir aujourd'hui les déshydratations, la prise en charge de ces déshydratations. Donc, comme vous le savez, les déshydratations restent un motif fréquent de consultation, surtout en urgence, aux urgences, c'est-à-dire que vous allez, ou bien vous avez déjà reçu beaucoup de patients qui étaient déshydratés. Et la prise en charge, elle commence dès l'arrivée du patient, parce que c'est une urgence médicale, et lorsque vous tardez à la prise en charge, ces patients déshydratés risquent des complications, et parfois ces déshydratations mettent en jeu le pronostic vital. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous devez reconnaître ces déshydratations, qu'elle soit extracellulaire, intracellulaire ou bien mixte, c'est-à-dire globale, vous devez les reconnaître. Pourquoi ? Vous devez les reconnaître parce que ces déshydratations, chacune a sa prise en charge. Et si vous ne connaissez pas la physiopathologie et puis la clinique de ces déshydratations, vous n'arriverez jamais à prendre en charge efficacement ces déshydratations. Donc, ces déshydratations, ce sont des phénomènes qui sont liés à la déplétion d'un ou plusieurs compartiments hydriques. On va voir dans un rappel de physiologie quels sont les compartiments que comporte l'organisme humain. Vous savez que nous avons plusieurs compartiments et chaque compartiment a sa propre fonction. Donc la déshydratation, elle est due à quoi ? À votre avis, elle est due à quoi ? La déshydratation. Il faut que ça soit interactif. À quoi elle peut être due la déshydratation ? Soit qu'il y a trop de perte, soit qu'il n'y a pas assez d'apport. C'est ça les deux phénomènes qui peuvent être à l'origine d'une déshydratation. Soit vous perdez trop d'eau, par exemple un diabétique, quand il est déshydraté, c'est qu'il fait l'hyperglycémie. Cette hyperglycémie va entraîner, pour qu'il élimine le sucre qu'il y a en plus, va éliminer le sucre, mais il va éliminer aussi l'eau. Donc le patient diabétique, il est souvent déshydraté lorsqu'il fait des équilibres importants de sa glycémie. Par exemple, vous avez un sujet âgé, comme on va le voir dans un cas clinique, un sujet âgé. Vous savez que les sujets âgés ont les centres de la soif, ils ne demandent pas assez à boire. Donc eux, ils sont déshydratés, ils ne demandent pas à boire, parce que les centres de la soif ne fonctionnent pas comme chez un sujet jeune. Donc, automatiquement, ces sujets ne demandent pas assez d'eau à l'occasion d'une fièvre, à l'occasion d'un coup de chaleur, à l'occasion, par exemple, d'une maladie qui donne de la fièvre aussi. Le patient âgé peut être déshydraté parce qu'il n'y a pas assez d'apport d'eau. Donc ce sont ces deux phénomènes qui vont régir pour être à l'origine d'une déshydratation. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une urgence médicale qui est fréquente. Je ne sais pas si au cours de votre internat, vous avez eu à prendre en charge des déshydratations. Est-ce que vous avez pris déjà des déshydratations ? Je sais qu'en pédiatrie, vous prenez souvent des jeunes patients, mais nous, on parle d'adultes. Donc est-ce que vous avez pris déjà en charge des patients qui ont fait des déshydratations? Jamais. Alors sachez qu'en cette période de Ramadan et puis en cette période de chaleur, vous allez, si vous allez aux urgences, vous allez souvent voir des sujets âgés, et même peut-être moins âgés, mais c'est surtout l'apanage du sujet âgé, des patients qui sont déshydratés. Puis ces patients vont rester aux urgences et tout de suite on les prend en charge lorsque la déshydratation, le type de déshydratation a été étiqueté. Et puis, cette urgence médicale, elle met en jeu le pronostic vital aux âges extrêmes, comme je vous l'ai dit, c'est chez le sujet âgé, comme on va le voir dans un cas clinique, et chez le nourrisson. Et puis, cette urgence médicale, elle est due à une diminution de la masse hydrique corporelle et de la sensation de la soif, ce sont ces deux phénomènes qui peuvent être à l'origine de cette déshydratation. Alors pour comprendre la déshydratation, il faudra quand même faire un petit rappel physiologique sur les compartiments hydriques du corps humain. Donc vous savez que l'eau représente 60% du poids du corps. Vous le savez, hein? Que notre corps, dans notre corps, on a 60% d'eau. Et les secteurs qui sont que comprend le corps humain, vous avez deux grands secteurs. Le secteur, le compartiment, le secteur intracellulaire et le secteur extracellulaire. Quel est le compartiment le plus important? C'est le secteur intracellulaire. Donc, lorsque vous abusez, c'est lui qui prend le plus grand poids. Dites-vous bien que quand un patient est déshydraté et qu'il fait une déshydratation intracellulaire, il y a une perte de poids qui est importante. Retenez-les bien, c'est une petite astuce que vous devez retenir pour comprendre les signes cliniques de la déshydratation. Donc dites-vous bien, la déshydratation intracellulaire comporte déjà une perte de poids qui est très importante parce que le compartiment intracellulaire fait 40% du poids du corps. Donc déjà l'eau fait 60%, donc 40% c'est l'intracellulaire. Le compartiment extracellulaire, donc il reste 20%, il fait 20%. Donc lorsque vous avez une déshydratation extracellulaire, vous n'avez pas de perte de poids. Vous avez une petite perte de poids, on l'estime, à peu près de 5%. Ce qu'il y a, c'est que puisque le compartiment extracellulaire comporte le compartiment vasculaire et le compartiment interstitiel. Donc, lorsque vous avez une déshydratation extracellulaire, qu'est-ce que vous risquez d'avoir? Puisque c'est le compartiment vasculaire. Et le compartiment vasculaire, il va être vide. Donc, vasculaire, qu'est-ce que ça veut dire? Hypotension. Quoi encore? Donc, vous aurez une hypotension. Vous aurez quoi encore? Une oligurie, puisque si vous avez une hypotension, les reins ferment. Le rein ferme les robinets, donc vous aurez une oligurie. Donc vous aurez une hypotension, les signes d'état de choc. Hypotension, marbrure, ou petit filant, oligurie. Donc tous ces signes-là, et on va voir plus en détail, dans la déshydratation extracellulaire, qu'est-ce qui se passe? Donc, déshydratation, compartiment intracellulaire, c'est le compartiment le plus important. Lorsque vous avez des signes en faveur d'une déshydratation intracellulaire, c'est une perte de poids qui est très importante. Dans la déshydratation extracellulaire, puisque le compartiment vasculaire fait 20%, peut-être pas 20%, mais il fait le secteur extracellulaire plasmatique, c'est 5%, interstitium, c'est 15%. Donc vous aurez, puisque c'est le secteur extravasculaire, le secteur plasmatique, vous aurez une hypotension et tout ce qui est en relation avec l'état de choc. Donc vous savez que les variations d'eau sont en fonction de l'âge, en fonction du sexe et en fonction de la masse graisseuse. Alors, est-ce qu'un nourrisson a plus d'eau qu'un sujet adulte jeune? Oui, il a beaucoup plus d'eau. D'ailleurs, lui, une petite perte d'eau fait que le patient a des signes de déshydratation qui sont beaucoup plus précoces que celui de l'adulte jeune. Est-ce que la femme a plus d'eau que l'homme? Non. La femme a moins d'eau que l'homme. Le sujet âgé, est-ce qu'il a moins d'eau que le sujet jeune? Oui. Il a beaucoup moins d'eau que le sujet jeune. Alors là, je vous ai mis le pourcentage du poids corporel d'eau par rapport à l'âge. Donc vous voyez, regardez, de 0 à 6 mois, vous avez 74% du poids corporel d'eau par rapport au poids du corps. Et regardez chez le sujet qui a plus de 50 ans, ça descend jusqu'à 56% chez l'homme et 47 chez la femme. Donc vous voyez que l'eau diminue en fonction de l'âge. Donc vous avez le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Donc on a dit que le milieu intracellulaire, c'est lui qui avait le plus grand pourcentage par rapport au poids du corps, alors que le milieu extracellulaire qui comporte le milieu plasmatique qui fait 7% du poids du corps et le milieu interstitiel qui fait 15% avait une proportion qui était moindre. Donc ces compartiments sont régis par des pressions. par des pressions qui font, à Lucas, par exemple, vous, quand vous avez soif, quand vous êtes un peu déshydraté, il y a l'eau qui sort du milieu intracellulaire, par exemple, et qui rentre dans le milieu intracellulaire, mais ça, sans qu'on se rende compte. Mais tout ceci est régi par des pressions. Alors, qu'est-ce qui est entre le milieu interstitiel et le milieu plasmatique? Vous avez deux pressions qui régissent la sortie et l'entrée d'eau entre ces deux milieux. Vous avez la pression oncotique qui dépend des protéines et la pression hydrostatique. Normalement, ces deux pressions sont en équilibre pour qu'il n'y ait pas d'eau de sortie et de rentrée d'eau. Entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire, vous avez la pression osmotique, c'est-à-dire que les osmoses, lorsqu'ils sont en grand nombre, vont faire qu'il y ait rentrée d'eau et sortie d'eau entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Donc, le milieu intracellulaire, c'est la pression osmotique qui fait rentrer l'eau et qui fait sortir l'eau. Entre le milieu interstitiel et le milieu plasmatique, vous avez la pression oncotique et la pression hydrostatique qui doivent être en équilibre pour que l'eau rentre et sort selon la demande. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ces notions physiologiques? Milieu interstitiel, milieu plasmatique, milieu intracellulaire qui est le plus important. Les pressions qui régissent entre ces deux milieux, vous avez la pression oncotique, la pression hydrostatique, qui sont en équilibre pour que l'eau puisse rentrer et sortir comme elle veut. Et puis vous avez dans le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire, c'est la pression osmotique qui agit entre ces deux milieux. D'accord ? Puisqu'on a parlé de pression osmotique, on va parler aussi d'osmolarité intracellulaire. C'est la même que l'osmolarité interstitielle, c'est la même que l'osmolarité plasmatique. Retenez ce chiffre, il est très important. N est de 290, plus ou moins 5 milliosmoles par kilo. On parle souvent d'osmolarité et d'osmolarité. Est-ce que vous faites la différence entre les osmolarité et osmolarité? Est-ce que vous faites la différence entre les deux? Donc, vous avez ici l'osmolarité d'une solution, c'est le nombre de particules par litre de solution. Par litre. Alors que l'osmolarité, c'est le nombre de particules par kilo d'eau de cette solution. Je m'explique. Par kilo, qu'est-ce que ça veut dire par kilo? Par kilo, vous avez dans le liquide, interstitiel, plasmatique, etc., vous avez des protéines et des lipides. Et ces lipides vont peser, sont en grammes. Donc regardez, vous avez 70 grammes de protéines, 70 millilitres de lipides, 7 millilitres, donc 1 litre de plasma, il contient 1000 millilitres, moins les 70, plus 7 de lipides et de protides. Donc vous avez, c'est plus 1 kilo, comme par l'osmolarité, c'est par kilo, pour les millilitres et les litres, c'est 923. Mais généralement, osmolarité égale osmolarité. Osmolarité, c'est par litre. Osmolarité par kilo. Ce qui fait la différence, c'est quand on compte par kilo, c'est qu'on rajoute les lipides et les protides. Alors les lipides et les protides, ils pèsent un poids, et ce poids, il est de combien? De 70 grammes pour les protides, et puis 7 de lipides. Donc vous avez ces 100 millilitres, moins 70 plus 7, ça fait 923. C'est pas exactement 1000, parce qu'on soustrait les lipides et les protides. C'est ce qui fait la différence. Mais physiologiquement parlant, on parle osmolarité égale... Osmolarité est égale à 290 plus ou moins 5. Donc retenez que osmolarité chez le sujet normal est égale à osmolarité est égale à 290 plus ou moins 5. est-ce que vous faites la différence? Mais retenez que physiologiquement parlant, sauf chez les patients qui ont une hypertriglycéridémie qui est très importante, une hyperlipidémie, une hyperprotidémie, là on fait la différence entre les deux. Mais généralement, retenez que osmolarité égale osmolarité. D'accord? Est égal à combien? D'accord. Donc là, c'est pour vous montrer quelles sont les différentes déshydratations que vous pouvez rencontrer. Donc on a vu que l'osmolarité faisait la différence entre le milieu intracellulaire et extracellulaire. Et lorsque vous avez une osmolarité qui était élevée dans le milieu extracellulaire, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que l'eau passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Ou bien c'est le contraire. L'eau passe de quel milieu vers quel milieu? Du moins concentré vers le plus concentré. Là, l'osmolarité, elle est importante dans le milieu extracellulaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Va passer du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Donc, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez une déshydratation intracellulaire. Très bien. Lorsque l'osmolarité est diminuée dans le milieu extracellulaire, qu'est-ce que va faire l'eau? Extra vers l'intra. Donc, qu'est-ce que vous aurez? Non, pas une DCNF, pas une déshydratation extra. Vous aurez une hyperhydratation intracellulaire. C'est en fonction du milieu intracellulaire que vous raisonnez. Pas en fonction. Quand vous avez une perte d'eau, la même, par exemple, vous avez une petite contraction du milieu extracellulaire qui est isotonique. L'osmolarité n'est pas augmentée, n'est pas diminuée, n'est pas augmentée. Mais vous avez une perte d'eau et d'électrolytes dans le milieu extracellulaire. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire, l'eau? Qu'est-ce qu'elle va faire? Il n'y a pas de mouvement. Très bien. Donc, il n'y a pas de mouvement puisqu'il n'y a pas une différence d'osmolarité dans le milieu extracellulaire puisqu'il y a eu une diminution seulement du liquide qui est isotonique. Isotonique. Donc, c'est comme ça que vous allez raisonner quand vous allez voir un patient aux urgences. Quand il se présente chez vous, il fait une déshydratation. Examinez le. Cherchez les signes de déshydratation extracellulaire, les signes de déshydratation intracellulaire qu'on va voir. Et en fonction de ces signes-là, vous allez dire, voilà, c'est une déshydratation extracellulaire. Donc le malade, il faut que je lui rajoute de l'eau, il faut que je lui rajoute une substance qui va augmenter l'osmolarité ou c'est une déshydratation extracellulaire. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez hydrater, mais comment? Avec quoi? Est-ce que, avec du sérum salé et du sérum salé. Lorsque vous avez une déshydratation extracellulaire, qu'est-ce que vous allez ramener? Déshydratation intracellulaire, qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'eau va sortir du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Donc, dans le milieu extracellulaire, qu'est-ce que vous avez généralement? Donc, vous allez augmenter l'osmolarité de le... Non. Vous allez diminuer pour faire entrer l'eau qui sort du milieu intracellulaire vers... Du milieu extracellulaire vers le milieu extracellulaire. Intracellulaire. Est-ce que vous avez compris? Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est... Comprendre ces mécanismes physiopathologiques. Vous avez un patient qui présente une hyperosmolarité avec déshydratation intracellulaire et hyperosmolarité extracellulaire. Avec déshydratation intracellulaire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ramener quoi? Qu'est-ce que vous allez ramener? Vous allez ramener de l'eau, quelque chose qui va diluer le milieu extracellulaire pour que l'eau puisse rentrer dans le milieu intracellulaire. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? D'accord. Par exemple, vous avez un patient qui a une déshydratation simple extracellulaire. Donc vous allez donner du liquide isotonique. Vous avez compris? Oui. D'accord. Très bien. Donc la régulation de ces milieux extra-intracellulaires. Donc vous avez que le milieu intracellulaire était le plus important, 40% du poids du corps. Le milieu extracellulaire, il comprend le milieu plasmatique, le milieu interstitiel. Vous avez vu qu'il y avait l'osmolarité. L'osmolarité, elle dépendait extracellulaire, elle dépendait surtout du sodium. Hein? Du sodium. Et c'est lui qui fait rentrer l'eau et qui fait sortir l'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. C'est ça la pression osmotique. La pression osmotique dépend généralement du sodium. Elle peut dépendre du glucose, des hyperglycémies, etc., etc. Mais c'est surtout le sodium qui fait rentrer l'eau et qui fait sortir l'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Alors que dans le milieu interstitiel et le milieu plasmatique, c'est surtout la pression oncotique et la pression hydrostatique qui faisait rentrer et sortir l'eau. Mais généralement, ces deux pressions sont en équilibre. Donc, vous avez milieu interstitiel, milieu plasmatique. Pression oncotique, pression hydrostatique. Dans le milieu extracellulaire, milieu intracellulaire, c'est la pression osmotique. Et cette pression osmotique dépendait surtout du sodium. C'est lui l'électrolyte le plus important dans le milieu extracellulaire, et c'est lui qui, grâce à lui, et à cause de lui, fait rentrer l'eau et fait sortir l'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Et cette osmolarité, elle est égale à combien? 290 plus ou moins 5. D'accord? C'est compris. C'est des notions physiologiques que vous devez connaître pour que vous puissiez prendre à bon escient votre patient. Donc cette régulation de ces milieux, elle se fait grâce à quoi? L'hydratation intra-extracellulaire, elle est essentiellement ajustée par le rein qui module l'excrétion ou la réabsorption du sodium en fonction des besoins. Parce qu'on a dit que l'osmolarité, elle était surtout fonction du sodium. Et c'est elle qui faisait sodium qui est contenu dans le milieu extracellulaire. Et c'est lui qui faisait rentrer et sortir l'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Et c'est le rein qui va réguler cette entrée et sortie de sodium. Par contre, l'hydratation intracellulaire, elle constitue, elle est tributaire de l'eau libre avec un double système d'osmorégulation. C'est l'excrétion ou réabsorption d'eau libre par le tubule rénal avec la DH. Et puis vous avez les apports de boissons sous l'influence de la soif. Donc c'est l'hyperosmolarité, l'hypovolémie. Et c'est la soif qui stimule la DH. Donc le rein va stimuler l'entrée et la sortie de sodium. Et puis vous avez la DH et la soif vont réguler l'hydratation intracellulaire. Bon, ça, c'est, vous l'avez vu en physiologie, c'est pas la peine que je rentre dans les détails. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Intracellulaire, extracellulaire, c'est l'osmolarité. L'osmolarité, c'est grâce au sodium qui est contenu dans le milieu extracellulaire. C'est lui qui va faire entrer et sortir l'eau du milieu intracellulaire vers l'extracellulaire. Et puis, vous avez le milieu interstitiel et le milieu plasmatique. Grâce à la pression oncotique, la pression hydrostatique, il y a un équilibre entre ces deux compartiments. D'accord? Alors, quelle est la définition de la déshydratation? Qu'est-ce que ça veut dire déshydratation? Donc, c'est un déficit en eau et en sodium. Alors, tout dépend. Des fois, vous avez une perte plus d'eau que de sodium. Des fois, vous avez perte plus d'eau que de sodium. Perte d'eau et de sodium en même temps, plus perte de sodium que d'eau, ou bien plus perte d'eau que de sodium, ou bien de sodium que d'eau. D'accord? Donc vous pouvez avoir ces trois phénomènes différents. Donc le déficit en eau et en sodium, vous avez plusieurs types de déshydratation. La déshydratation isotonique, isonatrémique. Donc, dans ce cas-là, l'anéthrémie, elle est normale. Donc, c'est une déshydratation extracellulaire. Et donc, l'anéthrémie, elle est normale. La perte d'eau proportionnelle à la perte... Non, perte de sodium proportionnelle à la perte d'eau. Là, il y a une erreur. Vous avez une déshydratation hypertonique ou hypernatrémique. Donc là, vous avez une perte d'eau qui est supérieure à la perte de sel. Et puis, vous avez la déshydratation hypotonique ou hyponatrémique. Vous avez une perte de sel qui est supérieure à la perte d'eau. Donc, vous avez compris. Isotonique, vous avez perte d'eau et de sodium en même temps. Hypertonique, vous avez plus perte d'eau que de sodium. Et hypotonique, vous avez plus perte de sodium que d'eau. Donc, on va voir ces différentes déshydratations avec les signes cliniques. Donc, vous avez la déshydratation extracellulaire. Alors, qui dit déshydratation cellulaire, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez, qu'est-ce que vous avez dans ce cas-là? Qu'est-ce que vous avez dans ce cas-là, dans la déshydratation extracellulaire? Donc, vous avez une perte d'eau et de sel isotonique. La même chose. Perte d'eau égale perte de sodium. Donc, dans ce cas-là, donc c'est une perte qui est égale au plasma, qui est non compensée par les apports. Donc, par exemple, je vous ai mis là le liquide extracellulaire qui comporte 3000 milliosmoles dans 10 litres. Et puis, vous avez le liquide intracellulaire qui comporte 6000 milliosmoles dans 20 litres. Lorsque vous extrayez 3 litres de liquide isotonique, ça veut dire que vous allez extraire de l'eau et du sodium. Donc, vous allez extraire des osmoles et vous allez extraire l'eau. Donc, vous avez dans le liquide extracellulaire 2100 milliosmoles et vous avez qui sont contenus dans 7 litres. Alors que le milieu intracellulaire, vous avez 6000 milliosmoles qui sont contenus dans 20 litres. Dans ce cas-là, l'osmolarité dans les deux compartiments, elle est la même. Donc, il n'y aura pas de passage d'eau entre les deux milieux. Il n'y aura pas de passage d'eau. Les conséquences de cette déshydratation extracellulaire, donc vous avez une contraction du liquide extracellulaire, ou bien du secteur extracellulaire, avec une anatrémie qui est normale. Vous le comprenez bien, puisqu'il n'y a pas eu de transvasation d'eau entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Vous aurez une hémoconcentration du liquide extracellulaire avec une augmentation de la protidémie et une augmentation de l'hématocrite. Donc, biologiquement, si vous avez un patient qui fait une déshydratation extracellulaire, vous aurez une augmentation de la protidémie, une augmentation de l'hématocrite. Ce sont des signes fidèles d'une déshydratation extracellulaire. De plus, vous aurez une réabsorption de sodium, puisqu'il dit réabsorption de sodium, vous aurez une réabsorption. Le sodium, il ne va pas être réabsorbé tout seul, il va être réabsorbé avec l'eau. Donc, dans ce cas-là, vous aurez une oligurie, c'est-à-dire une duresse qui sera diminuée parce que le sel est retenu. Donc, chez un patient qui est déshydraté, qui présente une déshydratation extracellulaire, vous aurez quoi? Vous aurez une oligurie, qui est un signe aussi fidèle d'une déshydratation extracellulaire. Et puis, tout dépend. Si vous avez la cause de la déshydratation est une cause rénale, vous aurez dans ce cas-là une natriurèse, c'est-à-dire une perte de sodium qui sera supérieure à 20 millimoles par litre. C'est important à connaître pourquoi. Parce que si vous avez un patient qui fait une déshydratation extracellulaire, bon, vous avez défini les signes cliniques et tout, le patient présente par exemple une oligurie, vous ne savez pas si les pertes sont rénales ou extra-rénales. Si vous faites la natriurèse, vous la trouvez supérieure à 20 millimoles par litre, vous allez vous dire que le patient fait une déshydratation extracellulaire due à des pertes qui sont rénales. Alors que si la natriurèse est inférieure à 20 millimoles par litre, vous allez vous dire que le patient présente une déshydratation extracellulaire, mais les pertes sont extra-rénales. On va voir quelles sont les causes extrarénales qui peuvent induire une déshydratation extracellulaire. Alors, quelles sont les étiologies? Donc, on a dit perte rénale. Qui dit perte rénale, ça veut dire que la pyrénurèse, elle est augmentée. Les pertes rénales peuvent être dues soit à une néphropathie, c'est-à-dire une insuffisance rénale aiguë, chronique, tout ce qui peut donner une insuffisance rénale, un syndrome de levée d'obstacle, c'est-à-dire, par exemple, un patient qui avait des calculs, auquel cas les calculs ils ont été, si vous voulez, soustraits, et puis le patient reprend sa durèse. Lorsqu'il reprend sa durèse, il reprend une durèse qui est très très importante, hein, c'est ce qu'on appelle le lever d'obstacle, durèse très très importante, donc il risque de se déshydrater à cause de ce lever d'obstacle, et il y aura perte d'eau et de sel en même temps, donc il y aura une déshydratation extracellulaire si on ne compense pas les pertes qui sont dues à cette levée d'obstacle. Vous avez les tubulopathies chroniques, vous avez aussi les diurétiques. Alors il faut savoir que lorsque vous donnez des diurétiques, par exemple, lorsque vous donnez du Lasix, vous avez automatiquement une perte d'eau et de 100 mètres de sodium en même temps. C'est constant. C'est-à-dire que si un patient, par exemple, vous lui faites un ionogramme urinaire, vous cherchez la cause, par exemple, pourquoi il fait cette déshydratation, vous faites l'ionogramme urinaire, il n'est pas fiable. Il n'est pas fiable parce que vous avez automatiquement 100 mEq de sodium de perte lorsque le patient prend des diurétiques. Donc il faut savoir, par exemple, si vous demandez un ionogramme urinaire pour essayer de trouver l'étiologie d'une certaine maladie, si vous dites-vous bien que 100 mEq de sodium sont perdus dans les urines automatiquement. Ça, c'était pour les pertes rénales. Pour les pertes digestives, donc là, le sodium urinaire, il va être de combien dans les urines? Inférieur à 20 millimoles par litre. Donc, pour les pertes digestives, elles sont d'origine gastrique, elles sont dues à des vomissements, des aspirations, elles sont dues à des pertes d'origine intestinale, des fistules, la diarrhée, etc. Tout ce qui peut donner une perte d'eau et de sel avec une déshydratation extracellulaire. Vous pouvez avoir aussi des pertes cutanées, c'est-à-dire un coup de chaleur, des brûlures, dermatose exudative, diffuse, et même la mucoviscidose chez l'enfant peut donner une déshydratation extracellulaire. Est-ce que vous avez compris pour la déshydratation extracellulaire? Donc c'est une perte qui est isotonique du liquide extracellulaire. Perte d'eau et de sel, la même chose. Avec tout ce qui va suivre avec, c'est-à-dire vous aurez une oligurie et vous aurez quoi encore? Et les causes, elles peuvent être soit d'origine rénale, soit d'origine extra-rénale. Les pertes rénales, vous aurez combien de milliosmoles? Comment elle va être la natriurèse? Supérieure à 20 millimoles. Et les pertes extra-rénales? Inférieure à 20 millimoles. Voilà, très bien. Maintenant, on va voir la déshydratation intracellulaire. La déshydratation intracellulaire, elle est due à la contraction du liquide du milieu intracellulaire, c'est-à-dire qu'il y a une sortie d'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Donc, ceci est dû à une augmentation de l'osmolarité du milieu extracellulaire. Qui dit osmolarité du milieu extracellulaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le sodium, il va être comment? Il va être augmenté. Supérieur à 140, puisque l'eau sort du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Donc il faut qu'il y ait une grande concentration du sodium dans le milieu extracellulaire. Donc, s'il y a une grande concentration du sodium dans le milieu extracellulaire, la perte d'eau par rapport à la perte de sodium, comment elle va être? Vous avez une grande concentration de sodium. La perte d'eau par rapport à la perte de sodium, comment elle va être? La perte d'eau, elle va être comment par rapport à la perte de sodium? La perte de sodium, elle est inférieure par rapport à la porte, la voile. Sinon, la perte d'eau, elle est beaucoup plus importante par rapport à la perte de sodium, puisqu'il reste beaucoup de sodium dans le milieu extracellulaire. Donc, c'est l'eau qui a été perdue le plus. Hein? C'est l'eau qui a été perdue le plus par rapport au sodium. Donc, vous aurez une sortie d'eau qui est supérieure aux entrées, donc bilan négatif. Donc, perte d'eau par rapport aux pertes de sodium. Alors, quelles sont les étiologies? Les étiologies, quelles sont-elles? C'est presque les mêmes. Pour les déshydrateurs, c'est presque les mêmes. Seulement, certains patients font plus d'hydratation intracellulaire que d'extracellulaire, etc. Donc, vous avez les étiologies qui sont dues à des pertes rénales. Donc, vous avez la diurèse osmotique qui sont dues, par exemple, à des substances osmotiquement actives telles que le mannitol. Vous avez le coma hyperosmolaire et vous avez le diabète insipide. Alors, vous avez deux diabètes insipides. Le diabète insipide néphrogénique et le diabète insipide qui est central. Hein? Je vous ai mis ici quelques caractéristiques des deux. Vous avez les étiologies de la déshydratation intracellulaire qui sont dues à des pertes digestives, qui sont dues à des diarrhées et des vomissements, des pertes cutanées dues à des sudations abondantes, fièvre, coup de chaleur, et des pertes pulmonaires qui peuvent être dues à une hyperventilation, mais dans ce cas-là, c'est très rare. Donc la déshydratation globale, vous imaginez bien, maintenant c'est vous qui allez chercher, qui allez prouver. Qu'est-ce que la déshydratation globale? Globale, qu'est-ce que ça veut dire? Elle englobe la déshydratation extracellulaire et la déshydratation intracellulaire. Donc qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver les signes de déshydratation extracellulaire et les signes de déshydratation intracellulaire. Donc, qu'est-ce que vous avez? Diminution du milieu intracellulaire et diminution du milieu intracellulaire. Donc, qu'est-ce que vous avez? Perte de... Parlez, parlez fort. Il faut que ça soit interactif. Allez-y, dans la déshydratation globale. Donc, vous avez les deux. Vous regroupez les deux. Donc, qu'est-ce que vous avez dans ce cas-là? Vous aurez une hypernatrémie, oui, et vous aurez quoi encore? Une hémoconcentration. Voilà, c'est ça. Donc, vous aurez l'hypernatrémie plus l'hémoconcentration. Donc, cette déshydratation, c'est les mêmes étiologies pratiquement, des pertes rénales et des pertes extra-rénales. Alors, comment fait-on le diagnostic des déshydratations? Est-ce que vous avez compris? Je sais que c'était compliqué un peu d'avant, mais en tout cas, c'est un point qui est très important puisque vous allez souvent rencontrer des patients qui sont déshydratés. Donc, vous devez comprendre, j'insiste sur la compréhension. Après, vous allez lire sur Internet tout ce que vous voulez. Vous allez lire et vous allez avoir une culture un peu plus grande. Donc, essayez de comprendre ce qu'est une déshydratation intra, extra et globale. C'est ce qui est le plus important. Donc, comment fait-on le diagnostic des déshydratations? Donc, le diagnostic, bien sûr, il repose sur la clinique. Donc, il faudra connaître les circonstances, si c'est un patient qui vomit, si c'est un patient qui a de la diarrhée, etc., etc. Vous devez faire un examen clinique correct. Chaque signe est important. Vous allez voir, une petite asthénie peut vous conduire vers le diagnostic. Si un sujet âgé, quand il est asthénié, il est fatigué, ça peut vous renseigner sur le type de déshydratation. Chaque signe est important. Vous devez apprécier les pertes d'eau et de sodium en faisant des examens complémentaires. Vous devez aussi faire quantifier la diurèse et faire une courbe de poids. C'est très important puisque je vous ai dit que dans les déshydratations intracellulaires, la perte de poids était importante par rapport à la déshydratation extracellulaire. Donc, la courbe de poids est importante. Vous devez faire aussi le bilan de l'eau et du sodium. Et bien sûr, vous devez faire aussi l'ionogramme urinaire en cherchant est-ce que c'est des pertes rénales, est-ce que c'est des pertes extra-rénales. Et vous devez faire l'hématocrite et la protidémie, surtout pour la déshydratation, par exemple, extracellulaire. Alors, quels sont les signes qui peuvent vous conduire vers la déshydratation extracellulaire? Je vous ai mis tous ces signes-là qui sont en rapport avec la déshydratation extracellulaire. Par exemple, vous avez un malade qui est asthénié. Bon, je vous ai mis à fatigué, mais c'est asthénié, qui manque d'appétit, il n'a pas soif, il ne demande pas à boire, surtout chez les sujets âgés, Les muqueuses restent humides, le poids, puisque c'est une déshydratation extracellulaire, il n'est que peu abaissé. Les veines périphériques généralement sont collabées. Il n'y a jamais de turgescence de jugulaire avant, quand on n'avait pas les examens complémentaires et tout ce qui s'ensuit. Ce qu'on examinait, on examinait les veines jugulaires du patient. Lorsqu'on ne les voyait pas turgescentes et qu'elles étaient plates, on se disait que c'était une déshydratation extracellulaire. Généralement, ce sont des patients qui ont une pression artérielle qui est basse, avec une hypotension artérielle orthostatique. D'ailleurs, ces patients-là, il ne faut pas les faire peser. Si vous faites peser ces patients, ils peuvent faire un malaise. C'est surtout les patients qui font une déshydratation intracellulaire. Lorsqu'on peut, on peut les faire peser. C'est à cause de l'hypotension orthostatique. Faites attention, ne faites pas peser tous les patients. Ils risquent de vous faire un malaise. Le pouls, bien sûr, puisqu'il y a une hypotension, il est accéléré, voire filant. Vous pouvez avoir aussi un pli cutané. Et généralement, le pli cutané, il est net sur la paroi abdominale et sous la clavicule, ici. Alors, méfiez-vous, chez le sujet âgé, quand il est net, ça peut être confondu avec le pli de dénutrition. Hein? Vous avez aussi les globes oculaires qui sont enfoncés, qui sont hypotoniques. Et puis, dans la forme grave, vous pouvez avoir un choc hypovolémique. Quels sont les signes de choc? Quels sont les signes de choc hypovolémique? Marqueur, oui. Vous avez deux signes qui sont pathognomoniques de l'état de choc. C'est lesquels? Non. Un patient hypertendu, il peut ne pas être hypotendu alors qu'il fait un état de choc. Deux signes qui sont pathognomoniques de l'état de choc. Deux que vous devez connaître et rechercher lorsque vous avez un patient qui est en état de choc. Non. Non. Alors, c'est les marbrures et l'oligurie. Ce sont les deux signes pathognomoniques de l'état de choc. Sauf l'oligurie pour le diabétique, vous pouvez ne pas la trouver. Mais en tout cas, retenez que les deux signes pathognomoniques de l'état de choc, c'est les marbrures. Vous savez ce que c'est les marbrures? Les marbrures et l'oligurie, ce sont des signes pathognomoniques. Sinon, les autres, vous pouvez les trouver comme vous pouvez ne pas les trouver. Ils ne sont pas pathognomoniques de l'état de choc. État de choc, qu'il soit cardiogénique, qu'il soit hypovolémique, qu'il soit septique. D'accord? C'est ça les trois états de choc que vous avez. Bien sûr, vous avez le choc anaphylactique. Mais méfiez-vous, les deux signes pathognomoniques, c'est l'oligurie et les marbrures. Alors, biologiquement, dans la déshydratation extracellulaire, vous avez une hémoconcentration, comme on l'a dit. Donc, qui dit hémoconcentration, vous aurez une protidémie qui sera élevée. La protidémie normale est de combien? 60. L'hématocrite élevé, donc il va être plus de 50. Et puis, vous aurez une insuffisance rénale avec une natriurèse effondrée. Effondrée, tout dépend des pertes. Est-ce qu'elles sont rénales? Est-ce qu'elles sont extra-rénales? Lorsqu'elles sont rénales, la natriurèse, elle sera augmentée. Lorsque c'est extra-rénale, la natriurèse, etc., etc. D'accord. Et puis, si vous avez un état de choc, donc vous aurez une acidose métabolique. Vous avez fait des troubles acido-basiques? Vous les avez fait? Non. Vous savez ce que c'est une acidose, une alcalose? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire une acidose métabolique? Le pH, il est comment? Le pH normal, il est de combien? 40, plus ou moins 2. Qui dit acidose, qu'est-ce que ça veut dire? Soit c'est une acidose métabolique, c'est les HCO3- moins qui sont comment? Qui sont diminués. Soit c'est une acidose respiratoire, c'est la PaCO2 qui est augmentée. C'est le dénominateur. Lorsque c'est une alcalose métabolique, c'est les HCO3- moins qui sont augmentés. Et lorsque c'est une alcalose respiratoire, c'est la PaCO2 qui est diminuée. D'accord. Donc acidose métabolique, ça veut dire le pH il est inférieur à 7,38 et les bicarbonates sont diminués. Diminués ici, pourquoi? Parce que le malade, il est en train de travailler en anaérobiose, il y a de l'acide lactique qui est produite, c'est une acidose métabolique lactique. Bon, ça c'est en plus. Vous avez une perte de 10% en plus sera suspectée, c'est-à-dire une déshydratation grave sera suspectée lorsque la perte de poids, elle est plus de 10%. Si vous avez une pression artérielle basse, si vous avez des extrémités froides, des marbrures, muqueuses sèches, etc., ça c'est des signes de déshydratation avec état de choc. Ça c'est une forme grave de déshydratation extracellulaire. Est-ce que vous avez compris pour la déshydratation extracellulaire? Normalement, c'est compris. D'accord? Vous avez compris. Maintenant, on va voir la déshydratation intracellulaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déshydratation intracellulaire? Ça veut dire qu'il y a de l'eau qui est sortie du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Parce qu'il y a une hyperosmolarité au niveau du milieu extracellulaire. Et cette hyperosmolarité, elle est représentée par quoi? Par une hypernatrémie. Très bien. Donc il y a une hypernatrémie, donc sortie d'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Je vous ai dit que lorsque vous avez une déshydratation intracellulaire, qu'est-ce que vous avez en premier lieu? Une perte de poids qui est importante. Puis c'est les cellules qui sont touchées. Les premiers signes qui sont mis à l'avant, c'est quoi? C'est les signes neurologiques dans la déshydratation intracellulaire. L'autre, c'était l'oliguerie, l'hypotension, etc., parce que c'est le vaisseau. Et là, puisque c'est la cellule, puisque le milieu intracellulaire, il prend une grande partie du poids du corps, donc c'est la perte de poids plus les signes neurologiques. Donc vous avez la fièvre, la polypnée, puis des signes neurologiques. Vous avez aussi les muqueuses qui sont sèches. Mais là, la pression artérielle, elle est comment? Lorsque vous avez une déshydratation intracellulaire pure, la pression artérielle, elle est comment? Elle est normale. D'accord? Là, il n'y a pas d'hypotension. Vous êtes d'accord? Vous faites la différence. Donc biologiquement, vous avez une augmentation de l'osmolarité. Normalement, elle est égale à combien? 290 plus moins 7, ne l'oubliez pas. Et là, elle devient supérieure à 300 milliosmol. Vous avez une hyperlatrémie, parfois, vous avez une hyperglycémie. Donc, conséquence de l'importance de la déshydratation, c'est la perte neurologique. Parce que c'est les cellules. Je vous ai dit que c'était neurologique. C'est quand vous voyez un patient qui est déshydraté, s'il n'a pas une autre pathologie neurologique, par exemple un AVC ou autre chose, si vous voyez un patient déshydraté, par exemple qui convulse, dites-vous bien qu'il a probablement une déshydratation intracellulaire. D'accord? Donc les signes neurologiques sont mis à l'avant, donc les conséquences neurologiques sont redoutables chez ces patients parce qu'ils risquent de faire des hématomes sous-duraux. Et ils peuvent avoir des séquelles neuropsychiques qui sont secondaires à des hémorragies parenchymateuses. D'accord? Donc les signes neurologiques sont importants à ce stade-là. La déshydratation globale, donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez les deux signes. Vous avez les signes de déshydratation extracellulaire qui sont oui, et la déshydratation intracellulaire. Vous avez la soif, la fièvre, les signes neurologiques, et faites attention, il n'y a pas d'hypotension. Par exemple, vous avez une acidocétose. Alors l'acidocétose, qu'est-ce qui se passe chez le patient qui présente une acidocétose en premier? En premier, vous avez un manque d'insuline. Vous êtes d'accord? Ce manque d'insuline va entraîner une hyperglycémie. Le corps, le rein, dès que la glycémie elle devient supérieure à 1,75 g, il va éliminer le sucre. Mais en éliminant le sucre, il va éliminer l'eau et le sel. Donc s'il élimine l'eau et le sel, vous aurez quoi? Déshydratation? Oui, comment on l'appelle? Extracellulaire. Puisque vous avez une déshydratation extracellulaire, l'hyperglycémie, c'est une osmole qui est, c'est milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Donc vous aurez quoi? Une déshydratation intracellulaire, déshydratation extracellulaire, déshydratation extracellulaire. Donc chez malades qui présentent une acidocétose, généralement ils présentent une déshydratation qui est mixte. Vous avez compris? Non? Ah, d'accord. J'ai vu une tête dire non. Vous avez compris? Donc vous avez une déshydratation. C'est l'exemple le plus typique pour donner, pour expliquer une déshydratation extracellulaire, une déshydratation globale. Donc vous avez une déshydratation extracellulaire et vous avez une déshydratation intracellulaire due à l'hyperglycémie. D'accord? Comment? La deuxième partie. Je reprends la première partie. Vous avez un manque d'insuline dans la cytocytose. Le manque d'insuline va faire qu'il y a une hyperglycémie, hein, parce que c'est l'insuline qui fait rentrer le sucre, etc., etc. Donc vous aurez une hyperglycémie dans le milieu extracellulaire. C'est le rein, quand il va voir qu'il y a glucose qui va être supérieure à 1,75 g, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejeter le sucre qui est en plus. Mais en rejetant le sucre qui est en plus, il va rejeter l'eau et le sodium. Si il rejette l'eau et le sodium, il va y avoir une déshydratation extracellulaire. Maintenant, vous avez une grande concentration de glucose dans le milieu extracellulaire. Hein? Donc l'eau, puisque c'est des particules osmotiquement actives, va faire sortir l'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Donc vous aurez quoi? Déshydratation intracellulaire. Voilà. Donc vous aurez une déshydratation intracellulaire et une déshydratation extracellulaire. Donc c'est une déshydratation qui est globale, avec tous les signes qui vont avec déshydratation extracellulaire et déshydratation intracellulaire. Alors comment pourrait-on stratifier, si vous voulez, ces déshydratations? Alors on va les stratifier selon leur gravité. On va dire qu'une déshydratation est modérée lorsque les pertes de poids sont inférieures à 10%. C'est-à-dire que vous avez des muqueuses sèches, fontanelles déprimées par exemple chez l'enfant, des yeux cernés, extrémités froides. La déshydratation est sévère lorsque vous avez une perte qui est supérieure ou égale à 10%, donc vous avez des plis cutanés persistants, face interne des joues très sèches, hypotonie des globes oculaires, froideur des membres tachycardiques et oligurie. Et une déshydratation est extrêmement sévère lorsque vous avez une perte de poids supérieure à 15%, donc vous avez des troubles de la conscience, prolapsus, membres froids, jusqu'à la racine. Donc vous voyez qu'on peut stratifier et en fonction de ces stratifications, on va traiter ces patients. Alors soit le patient, c'est une modérée, on peut lui donner par voie, c'est une déshydratation modérée, on peut lui donner une réhydratation par voie orale. Si c'est une déshydratation qui est sévère, c'est une urgence extrême, il faudra le réhydrater par voie intraveineuse. Donc la déshydratation extracellulaire, déshydratation modérée, donc la perte de poids, elle est de 5%. Donc chez un malade qui n'a pas de troubles digestifs, donc qu'est-ce qu'on va lui donner? De l'eau, et c'est surtout les sels de réhydratation. C'est la même chose qu'on fait pour les enfants. Pour la déshydratation extracellulaire plus sévère, c'est-à-dire la perte de poids supérieure à 10%, vous avez des perfusions de NaCl isotonique, puisqu'on va rétablir le milieu, hein, extracellulaire, donc on va donner des solutions isotoniques, ou bien on peut donner du glucosé à 5%, plus on lui rajoute du sel pour essayer d'avoir la même concentration que celui du milieu extracellulaire. Si un patient fait une déshydratation, il fait un état de choc, il faut toujours commencer par donner des macromolécules, c'est-à-dire vous rétablissez l'état hémodynamique et après vous continuez la réhydratation par des solutés isotoniques. Donc déshydratation, si le patient il présente des signes de déshydratation qui sont modérés, on peut lui donner à boire, hein, de l'eau avec des sels de réhydratation. Par contre, si c'est plus sévère, c'est la voie IV qui est utilisée. Si le patient est en état de choc, toujours commencer par rétablir l'état hémodynamique, c'est très important, hein, en donnant des macromolécules. Par la suite, on continue la réhydratation par des solutés, hein, isotoniques. Pour la déshydratation intracellulaire qui est pure, L'objectif, c'est de positiver le bilan de l'eau. Donc, si le patient il est conscient des hydratations non sévères, on peut donner de l'eau par la sonde nasogastrique. Pourquoi on donne de l'eau? Déshydratation intracellulaire. Pour diminuer l'osmolarité. Très bien. D'accord, je pensais que vous dormiez. Je sais que vous êtes fatigué, que vous avez eu 4 cours. Je sais que c'est difficile d'attirer votre attention, mais en tout cas, vous suivez bien. Donc, si le patient ne peut pas boire, donc la voie intraveineuse, il faudra utiliser des solutions hypo-osmolaires. Mais attention, il ne faut jamais utiliser d'eau distillée. Pure. Pourquoi? Parce que ça entraîne des hémolyses et le patient risque de décéder à cause de ça. Donc, généralement, ce qu'on fait, on donne soit du glucosé à 4,5%, soit on donne du sérum salé hypotonique à 4,5%. Ne donnez jamais d'eau distillée pure. Il y a un risque d'hyperkaliémie et d'hémolyse, c'est-à-dire hémolyse, et qui dit hémolyse dit hyperkaliémie. Donc, ne donnez jamais, jamais, jamais d'eau distillée seule par voie IV. Par contre, par voie nasogastrique, il n'y a aucun problème. Si le patient il est conscient, on peut donner de l'eau. Alors, il faut calculer le déficit en eau. Cette formule, vous devez l'apprendre. Vous risquez d'avoir à l'examen. Si vous avez une déshydratation intracellulaire, vous devez calculer le déficit en eau. Ce déficit, il est égal à 0,6 fois le poids du corps fois 1 moins 140 sur le sodium plasmatique. Ce qu'il y a, c'est que parfois, le patient, en plus de l'hyperlactrémie, risque d'avoir une hyperglycémie. Et cette hyperlactrémie, elle peut être une fausse hypernatrémie. Donc, vous devez calculer la natrémie corrigée. On va le voir dans le cas clinique, vous allez avoir les idées un peu plus claires. Cette natrémie corrigée, elle est égale à la natrémie mesurée plus glycémie moins 5 sur 3. Pour la déshydratation globale, donc l'effort modéré, on va donner du sérum glucosé à 5% avec un peu de NaCl. Voici un tableau récapitulatif sur la déshydratation intracellulaire et la déshydratation extracellulaire. Bon, je vous ai mis extracellulaire, l'hyperhydratation, mais ce n'est pas l'intitulé de votre cours. Donc, la déshydratation, vous avez extracellulaire, cliniquement, le pli, l'hypotonie, la soif, l'amaigrissement, tachycardie, hypotension, biologie, hémoconcentration, hématocrite, et selon les pertes, qu'elles soient urinaires ou qu'elles ne soient pas urinaires, le sodium il peut être supérieur à 20 millimoles ou pas. La déshydratation intracellulaire, vous avez sécheresse, soif, amaigrissement, fièvre, et les troubles neurologiques, ne les oubliez pas dans la déshydratation intracellulaire. Et puis vous avez toute la biologie qui suit avec. Pour les étiologies, pour la déshydratation, donc vous avez vu que c'était à peu près les mêmes étiologies. Ce qu'il y a, c'était la clinique qui faisait la différence. Le traitement pour la déshydratation extracellulaire, c'est soluté de remplissage. Et puis vous allez surveiller la tension, le pouls et la durèse. Pour la déshydratation intracellulaire, traitement, bon là c'est minérin pour le diabète insipide, hein. Venu pas, mais c'est surtout apporter des solutés hypotoniques et jamais d'eau distillée seule. D'accord? D'accord? Vous avez compris? Dites-moi oui ou non. Oui. Oui, très bien. Donc, pour le premier cas, c'est un cas qui est très facile. Si vous vous concentrez, vous allez trouver toutes les solutions. Donc, vous avez un homme de 65 ans qui est amené aux urgences par sa femme pour altération de l'état général. Dans ses antécédents, on trouve un diabète non insulino-dépendant, traité par Amarelle. L'histoire actuelle, c'est qu'il a fait un syndrome grippal depuis une semaine avec altération de l'état général progressif, somnolence, anorexie et polyurie. Tous les signes sont importants. L'examen, pression artérielle 9,6. fréquence cardiaque 120, température 38. La saturation pulsée à l'oxygène à l'air, elle est de 96%. Il présente un pli cutané, une langue sèche, rôti, examen cardio-pulmonaire et abdominal normal. Le Glasgow, il est à 13. Le Glasgow, il est de combien le normal? 13. Les items du Glasgow, c'est lesquels? Qu'est-ce que vous avez comme item? Réponse verbale. Ouverture, allez-y comme ça. Ouverture des yeux, réponse verbale et réponse motrice. D'accord? L'ouverture des yeux, ça va de combien à combien? 0 à 4. De 1 à 4. Ça n'existe pas 0. De 1 à 4. La réponse verbale, de 1 à 5. Et la réponse motrice, de 1 à 6. D'accord? Hein? Ça va de 15 jusqu'à 3. Il n'y a pas de 0. De 15 jusqu'à 3. Donc le score de Glasgow chez ce malade, il est de 13. Donc l'ouverture des yeux, elle est à 3. La réponse verbale, elle est à 4. La réponse motrice, elle est normale, elle est à 6. Son site de localisation. Le bilan biologique, la natrémie, elle est à 145. La normale, elle est de combien? 150, c'est élevé. Elle est de combien? 100, oui. Tout dépend, il y en a certains qui mettent 100, 140, 142, 137, 145, peut-être qu'elle est normale. Le potassium 3,7, le CO2 total 24, c'est les bicarbonates. L'urée, elle est 12 millimoles, créatinine 160 micromoles par litre, protéine 85 grammes et glucose 60 millimoles par litre. Donc les questions, quelle est l'osmolarité sanguine? Vous devez apprendre à calculer l'osmolarité sanguine à travers ce cas clinique. Je ne vous ai pas donné tout à l'heure la formule, je me suis dit que c'était barbant, donc j'ai préféré vous la donner à travers le cas clinique. Quel est l'état d'hydratation du patient? Tous les éléments sont importants. Devant l'hypernatrémie, quelle solité administrée initialement et combien? À combien est la natrémie corrigée? À combien estimez-vous le volume de perfusion des 48 premières heures? Et principe du traitement et de la surveillance. Donc première question, quelle est l'osmolarité sanguine? Comment vous calculez l'osmolarité? Comment vous calculez l'osmolarité? Na plus, oui, plus K plus, fois 2, plus urée, plus glycémie, en millimole. Hein? En millimole, pas en grammes. Donc chez ce patient, l'osmolarité, elle est de 368. Est-ce qu'elle est élevée ou pas? Elle est élevée. Normalement, elle est de combien? 290. Déjà, quand vous voyez cette osmolarité qui est élevée, donc vous vous dites que c'est une? Déshydratation de laquelle? Intracellulaire. Vous êtes d'accord? Puisque l'osmolarité, elle est élevée. Donc, il y a sortie d'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Vous êtes d'accord? Hein? C'est comme ça que vous allez raisonner. Moi, tout le charabia que je vous ai donné tout à l'heure, mais c'est comme ça, à travers des cas cliniques, comme ça que vous allez raisonner. Deuxième question. Quel est l'état d'hydratation du patient? Déjà, vous avez trouvé la déshydratation intracellulaire. Quel est l'état d'hydratation? Est-ce que c'est une déshydratation extracellulaire? Est-ce que c'est une déshydratation intracellulaire? Est-ce qu'elle est mixte? Globale. Pourquoi? Justifier. Alors, dans la déshydratation extracellulaire, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous êtes perdu. Non? Ça va. Donc, la déshydratation extracellulaire, qu'est-ce que vous avez? Vous avez quoi? Hypotension. Quoi encore? Donc, hypotension. Pli cutané. Est-ce que vous avez une perte de poids? Non, vous n'avez pas de perte de poids. Est-ce que vous avez des signes neurologiques? Oui, mais c'est surtout dans la déshydratation intracellulaire. Donc je reviens vers le cas clinique. Le patient, qu'est-ce qu'il a? Alors regardez qu'est-ce qu'il a. Il a déjà le Glasgow à 13, il n'est pas à 15. Hein? Donc il a des signes neurologiques quand même. Sans signe de localisation. Il a un pli cutané, une langue sèche, il a une hypotension, Il a une fréquence cardiaque qui est élevée. Mais la cause, c'est la fièvre. Donc c'est une déshydratation qui est globale chez une patiente. On a calculé l'osmolarité, elle était élevée, donc déjà il y a une déshydratation intracellulaire, mais avec le pli cutané, l'hypotension, la tachycardie, donc le patient présente une déshydratation qui est globale. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Donc c'est une déshydratation intra- et extracellulaire. Troisième question, devant l'hypernatrémie, quelle soluté administrer initialement et combien? Donc, qu'est-ce qu'il faut calculer ici? Le déficit hydrique. Par la formule, laquelle? Par laquelle? Quelle formule? Comment? Quelle formule? La formule que je vous ai donnée tout à l'heure. Mais attention, le patient présente une tension artérielle qui est un peu basse. 9,6. Dire qu'il peut être en collapsus, on peut commencer par des macromolécules. Mais ce qu'il y a, c'est que chez ce patient, puisqu'il présente une déshydratation mixte, donc qu'est-ce qu'on va donner comme soluté? Qu'est-ce qu'on va donner? Qu'est-ce qu'on va donner chez ce patient? Du sérum salé. Vous êtes d'accord, hein? Soit on va rétablir déjà l'état hémodynamique. Je vous ai dit qu'en premier lieu, il faut toujours rétablir l'état hémodynamique du patient. Soit lui donner des macromolécules ou bien lui donner du sérum salé. Toujours rétablir l'état hémodynamique parce que c'est une urgence. À combien est l'anatrémie corrigée? Alors, puisque vous avez une hyperglycémie, elle était à 60 millimoles et 1 gramme fait 5,5 millimoles. Donc, divisé 60 par 5,5, vous allez trouver que la glycémie, elle est très, très élevée. Alors, la formule pour corriger l'anatrémie, l'anatrémie corrigée en fonction de la glycémie, voici la formule, c'est natrémie plus glycémie moins 5,5 sur 3, on va trouver 163. Donc, il y a une hypernatrémie qui est très importante lorsqu'on la corrige en fonction de la glycémie. Alors, la glycémie corrigée, de toute façon, le cours, vous allez le trouver sur le site. Donc, toutes ces formules-là, vous allez les trouver. C'est important de calculer l'anatrémie corrigée quand vous avez une hyperglycémie. Parce que ce n'est pas toujours l'anatrémie du laboratoire qui est la vraie anatrémie du patient. Donc, toujours, il faut la calculer lorsque vous avez une glycémie qui est élevée. Vous êtes d'accord? À combien estimez-vous le volume de perfusion des 40 premières heures? Alors, pour la réponse, déshydratation extracellulaire. Déshydratation extracellulaire, on peut dire qu'il est en collapsus. Quand on a un patient qui est en collapsus ou en état de choc, même s'il fait une déshydratation intracellulaire, parce qu'il fait les deux, généralement c'est les deux, on commence par rétablir l'état hémodynamique. Vous êtes d'accord? On rétablit l'état hémodynamique. Lorsqu'on rétablit l'état hémodynamique, on va essayer de corriger la déshydratation extracellulaire. Lorsqu'on corrige la déshydratation extracellulaire, on corrige la déshydratation intracellulaire en rapportant des solutés hypotoniques. Et pour les premières heures, les premières 24 heures, ne donnez jamais tout ce que vous avez calculé. Par exemple, pour ce malade, on a calculé qu'il avait un déficit de 8 litres. Les premières 24 heures, généralement, on donne la moitié du déficit. continue l'autre moitié, les 24 heures d'après. Ça, c'est que vous devez le connaître dans votre pratique courante. Vous avez compris? Oui. Comment? Mais on va lui donner de l'insuline. On va donner de l'insuline. Ah, d'accord. Hein? Glucosé, oui. 4,5%. Le 5%, vous le divisez en 2,5%. Oui. Vous le cassez avec de l'eau distillée. Ne donnez pas l'eau distillée seule, mais vous pouvez le casser avec de l'eau distillée. Ou bien, pas en Algérie, mais il y a du glucosé à 2,5%. Ailleurs, malheureusement. Vous avez compris? Oui. Donc, vous voyez, dans la pratique, c'est pas toujours facile. Hein? Et qu'il faut raisonner. Il faut raisonner, il ne faut pas prendre par cœur. Il faut comprendre le phénomène physiopathologique et après, avec les calculs, vous allez corriger tous les déficits. Oui? Non. Vous corrigez toujours l'état hérodynamique. Par exemple, un patient, quand il vous fait 7 de tension, vous donnez des macromolécules. Vous corrigez la déshydratation extracellulaire. Vous donnez du sérum salé. Et puis après, vous corrigez la déshydratation. C'est-à-dire, généralement, quand l'état hérodynamique est bien, le patient, il a une bonne tension, il urine bien, etc., on commence à corriger la déshydratation intracellulaire. Est-ce que vous avez compris? Il reste encore un cas clinique. Ah, il reste encore une question. Principe du traitement et de la surveillance. Donc ces malades-là, généralement, on les hospitalise en réanimation. On ne les laisse pas aux urgences. On les hospitalise en réanimation. On fait un remplissage vasculaire, correction du déficit hydrique. On lui donne bien sûr de l'insuline, qui c'est qui m'a posé tout à l'heure. On lui donne de l'insuline guillemets. Bien sûr, on lui donne de l'antibiothérapie, hein, puisque le patient il fait un syndrome infectieux. On fait un dextro chaque heure et puis un ionogramme 4 à 6 heures. Ça, c'est les grands principes pour ce patient, comment il faudra le prendre en charge. D'accord? Oui? La latrémie, dans quoi? C'est la latrémie corrigée. C'est la latrémie corrigée que vous avez. C'est le dernier cas. Je sais que c'est une torture en fin de journée et pendant Ramadan. Et ça ne fait rien. Vous me supportez encore pour ce cas clinique. Et puis je vous libère. Pourquoi j'insiste à faire ce cas clinique? Parce que souvent, vous aurez des sujets âgés. Dans votre pratique courante et aux urgences. Et les sujets âgés sont un peu particuliers à prendre en charge parce que déjà les signes cliniques ne sont pas francs et même la réhydratation, elle n'est pas tombée chez le sujet qui est jeune. Donc, monsieur Abbé, âgé de 84 ans, aux antécédents de maladie d'Alzheimer, qui déambule, mange seul mais a besoin d'une surveillance en raison du risque de fausse route. Et c'est souvent ce qui se passe chez les GH qui font souvent des fausses routes parce qu'ils ont des antécédents d'AVC, parce qu'ils ont une maladie d'Alzheimer, parce qu'ils ont une maladie neurologique. Et chez ces patients-là, il faudra faire très attention pour la réhydratation. Donc c'est un patient qui est diabétique non insulino dépendant, qui est bien équilibré, qui a un poids stable à 70 kg. Et puis depuis 24 heures, il présente une somnolence, refuse la prise alimentaire. La température, elle est à 39, la tension, elle est à 11,6 et la fréquence cardiaque à 92. Les examens complémentaires, on retrouve une natrémie à 150 millimoles par litre, une glycémie 6 millimoles par litre, donc elle n'est pas très élevée, parce qu'on a dit qu'elle est 5,7. Créatinine 150 micromoles, radio pulmonaire normale et le CB des urines, il était en cours. Alors les questions... Quelles sont les particularités des mécanismes régulateurs de l'équilibre de l'eau chez le sujet âgé? Quelles sont les situations qui s'accompagnent d'une perte d'eau importante? Comment doit-on la prévenir chez la personne âgée? Alors, la première question, quelles sont les particularités des mécanismes régulateurs de l'équilibre de l'eau chez le sujet âgé? Alors, le sujet âgé, C'est pas comme le sujet jeune. Le sujet âgé, il a trois particularités. Il a la première particularité, c'est que avec le vieillissement, l'eau, regardez, elle diminue. Hein, chez le sujet âgé. Chez le sujet jeune, de 30 ans, elle est de 41 litres. Alors que chez le sujet âgé, elle diminue de 15%, elle devient de 37 litres. Donc c'est vraiment diminué. De plus, le sujet âgé, il a souvent une diminution de la sensation de soif. Il vous dit pas, surtout chez le malade qui a une maladie d'Alzheimer par exemple, il vous dit pas j'ai soif. Si vous lui donnez pas à boire, il a une diminution de la sensation de soif. De plus, le patient sujet âgé, il a souvent une dysrégulation du rein, c'est-à-dire qu'il a une diminution du rôle régulateur du rein. Et la physiologie rénale, elle est modifiée, donc le débit de filtration diminue. Donc le patient, sujet âgé, ces trois phénomènes se regroupent pour que le patient fasse une déshydratation. C'est-à-dire qu'il a de l'eau qui diminue dans son corps, il a une diminution de la sensation de la soif, et puis en plus, il a une diminution du rôle régulateur du rein pour l'hydratation du corps. Quelles sont les situations qui s'accompagnent de pertes d'eau importantes? Donc chez ce patient, par exemple, quelle est la situation qui pourrait amener à lui faire perdre beaucoup d'eau? Chez ce patient, la fièvre, quoi encore? Le manque d'accord, oui, quoi encore? Système diabétique, le déséquilibre de son diabète, par exemple. Alors chez ce patient, six situations peuvent s'accompagner de perte d'eau. Donc vous avez la fièvre, donc 500 ml par degré au-delà de 37, la forte chaleur, les fortes chaleurs, et en hiver, ne l'oubliez pas, les grands chauffages aussi peuvent donner une déshydratation sur ces sujets-là. Les diarrhées, les vomissements, le diabète, les diurétiques, et puis les déambulations importantes. Il y a des sujets âgés qui déambulent beaucoup et qui font qu'ils se déshydratent. Comment doit-on la prévenir chez la personne âgée? Justement, chez ces personnes âgées, il faut toujours, quand vous les recevez aux urgences, elles sont déshydratées, vous les réhydratez, vous les prenez en charge, il faut toujours donner des conseils à la personne qui s'occupe de ces personnes âgées. Il faut toujours anticiper la déshydratation. Il faudra la prévenir. Par quoi? Par la vigilance. Pour les personnes qui doivent être aidées ou stimulées pour s'alimenter, comme ce patient-là, il a une maladie d'Alzheimer, normalement, chaque heure, il faut lui donner un peu d'eau. Si vous voulez, c'est une réhydratation qui est forcée chez ces patients-là. Il faut lui donner un apport régulier et fractionné d'eau. Il faut le peser, à condition que ce ne soit pas une déshydratation extracellulaire. Il faut le peser. Il faudra lutter contre la dénutrition. Et puis, il faut réduire ou surveiller les traitements ayant un impact sur le métabolisme de l'eau. Par exemple, les diurétiques. Un patient qui est sous diurétique, il faut le surveiller beaucoup plus qu'un patient qui n'est pas sous diurétique. Et puis de plus, il faudra inciter la personne âgée à boire tout au long de la journée. Il faut qu'il boive au moins 1,5 litre. Et puis il faudra protéger les voies respiratoires et la posture, c'est-à-dire que le patient âgé, quand il a des troubles de la déglutition, il ne faut pas lui donner à boire et à manger couché. Il faut qu'il soit assis pour qu'il ne fasse pas de fausse route. Et puis, il faut lui donner son appareil dentaire, bien sûr, et son appareil auditif pour qu'il entende ce que vous êtes en train de lui dire. L'appareil dentaire pour qu'il puisse mâcher ce que vous êtes en train de lui donner. Et puis, il faudra faciliter l'hydratation en améliorant la texture et surtout en ajoutant des épaississants. Lorsqu'il fait des fausses routes, ne lui donnez pas des liquides, trop liquides, une alimentation très liquide. Il faut au contraire l'épaissir. Donc voilà ce que je vais vous dire.